بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تمام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 23 بعد 100، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدبة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ للمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. سنو عمار بن ياسر رضي الله عنهما، dont il y a Ammar, qui est l'un des premiers à s'être converti à l'islam. Sa mère également, qui est Soumeïa, qui était dit qu'elle était la première à s'être fait tuer en islam. Première femme à s'être fait tuer en islam. Soumeïa. Radiallahu anha. Qala, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour un besoin. Et en trajet, il a été en état de janaba et qu'il n'a pas trouvé d'eau. Alors il s'est roulé par terre comme le ferait un animal. Ensuite, il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui apporter cela. Il lui a dit qu'il te suffisait de faire comme cela avec tes mains. Et il frotta le sol avec ses deux mains, ou plutôt, il frappa le sol un coup. Quand on dit frapper, c'est pas un gros coup, c'est... Alors, ça veut dire un mouvement brusque vers le sol, une seule fois, puis il essuya sa gauche sur sa droite, la main gauche à la main droite, puis ses paumes, et ensuite son visage. Le hadith est Muttafaq alayh. Et là, c'est l'énoncé de Muslim. Dans une version par le Bukhari, qu'il frappa avec ses mains le sol, puis il souffla dedans, ensuite il essuya le visage, puis les mains, les deux mains. تمام. فقال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. أولا، مسألة التيمم عن الحدث الأسخر. فالتيمم de la petite souillure comme on dirait. Donc ça, il est important un ijma de Nawawi que cela est permis. فالتيمم du hadith al-Askhar. Car le hadith là, c'est la preuve, car si Amil était légiféré pour la grande janaba, pour la janaba, alors à plus forte raison, le sera pour ce qui est moindre. Et la deuxième mas'ala, tayammum an al-hadith al-Akbar, neuf sachets. C'est-à-dire que ce hadith est une preuve que tu fais tayammum également pour le hadith al-Akbar, le temps de grande souillure. Également, dans Surat al-Ma'ida, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَهَّرُوا ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Si jamais vous êtes à l'état janaba, alors purifiez-vous. Et après, il dit dans le sens: et si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites vos ablutions sèches avec de la terre pure. Et ça, c'est l'avis de l'ensemble des Sahaba. Donc, le premier, pour ce qui est de l'état de la pureté mineure, il y a Ijma. Et celui-là, il n'y a pas Ijma. Pour la Janab. Et certains, même certains Sahaba ne le voient pas. comme Omar ibn Khattab et Abdul Rabbi Mas'oud et d'autres. Il ne voit pas qu'il fait le tayammum pour l'état de pureté majeure. Il ne voit pas que tu fais tayammum. Et d'ailleurs, le affar de Ibn Mas'ud et de Omar ibn Khattab, tu le trouves dans Sahihayn. Quoi qu'il en soit, le hadith de Ammar est une preuve. Il se peut que l'argument ne soit pas parvenu. Également là, il a été dit également, il rapporte le shirk, que Omar n'a pas été convaincu de la parole de Ammar. Omar n'a pas été convaincu de la parole de Ammar. Quoi qu'il en soit, c'est un avis qui est le meilleur, qui est le plus fort. Après, il dit, Mas'alatun bima yusawwaru at-tayammum. Par quelle chose on fait tayammum? Donc là, il y a deux avis. Premier avis, que cela n'est permis qu'avec la terre. Ça, c'est la parole de Shafi'i, de Ahmed et d'autres. Et il a rapporté la parole d'An-Nawawi, qui a rapporté lui-même la parole d'autres savants. Appuyons cette parole avec pour preuve les hadiths cités dans le dirs précédent. وجعلت تربتها لنا طهورا que son sol à terme a été rendu comme moyen de purification. Également le hadith de Hudayfa, également le hadith de Jabir. Tout ce qu'on a pris comme un hadith dans le verset précédent, c'est des preuves qui démontrent que quand même Tayammum se fait avec la terre. Puis, deuxième call, c'est qu'il est permis de faire tayammum avec tout ce qui se trouve par terre. Tout ce qui provient du sol, on va dire. Tout ce qui provient du sol, il est permis de faire tayammum avec. Que ce soit du sable, que ce soit des pierres, que ce soit de la terre. Non. C'est l'avis de Malik et d'Abu Hanifa et une version selon Ahmed. C'est ce qu'a choisi également Cheikh al-Islam. Taymiyyah. Ils ont pris comme preuve la parole d'Allah où il dit فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا وَالسَّعِيدُ كُلَّ مَا تَهِرَ عَلَى وَجِ الْأَرْضِ. Donc la parole d'Allah en sens où il dit, et donc faites vos ablutions sèches avec ce qui est au sol comme étant pur. Et le mot Saïd, d'accord, c'est tout ce qui est pur sur le sol, sur la surface de la terre. Et la preuve également, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la terre m'a été rendue comme lieu de salat, également comme moyen de purification. Il cite un autre adillah. Parmi ceux, certains des hadiths cités, ils sont faibles. Et ils ont dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en voyage dans les terres ensablées, pour les conquêtes ou autres, il ne prenait pas de terre avec lui. Il n'a pas été apporté qui a apporté de la terre avec lui. Ou qu'il ait fait salat sans être en état de purification. Donc ils ont déduit que, de fortes probabilités qu'il utilisait le sable, ma salade, fatalement. Ils ont pris également le hadith qu'on vient de citer dans le chapitre de Ammar, qui disent que la terre n'est pas une condition en soi, car dans le hadith, le prophète sallam, il a soufflé dessus. Il a frappé le sol pour toucher le sol, mais la terre qui était sur ses mains, il a soufflé dessus. Ils disent que la terre en soi n'est pas une condition. Car si elle était conditionnée d'être présente, il n'aurait pas besoin de souffler sur ses mains. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Sa'di, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres. Quoi qu'il en soit, Cheikh Ibn Hizam voit que le premier qawl, c'est l'avis le plus fort. Que le tayammum ne se fait qu'avec la terre. Également, c'est l'avis de Nawawi, Al-Shirazi, Al-Khiraqi, Ibn Qudaman, Ibn Rajab, Ibn Abdelbar et d'autres. et également celui de Cheikh Yahya al-Hajouri. Car eux, ils disent que les adillas qu'ils ont pris sont des adillas généraux qui ont été spécifiés par le hadith de Hudaïfa et celui de Ali, qui est bien écrit Turab. Turab, la terre. En fait, tout le monde a pris les mêmes hadiths, en fait. D'accord, comme tu constates. Les mêmes preuves ont été employées, mais ont été interprétées de façon différente. En fait. Là, ça rentre dans quoi? Khilaf. Khilaf. Hein? Tafahou. De la compréhension. C'est les mêmes textes qu'ils ont pris. Seulement, ils ont pris de façon différente. Donc, ils ont dit. Et il a répondu au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soufflé sur ses mains. Il a dit, c'est pas pour enlever la terre. C'était pour minimiser la terre dans ses mains, pour pas trop. C'est pour minimiser la terre qui est sur les mains, pour pas en avoir trop, c'est tout. Et non pas pour l'enlever. Car il a soufflé, il n'a pas tout enlevé, il a envahi le surplus de la terre qu'il y avait. Donc ils ont dit, le fait qu'il ait soufflé, c'est pas pour enlever la terre. C'était pour juste en enlever une certaine partie. Qu'elle est certaine qu'en soufflant dedans, un simple souffle ne suffira pas à tout enlever. Donc il en restait. Non. Après il dit Mas'ala. Iza kharata at-turaba ghayruhu min at-tahirat. S'il y avait la terre, il mélangeait à d'autres choses qui elles-mêmes sont pures. La terre, tu vas faire tayammum, elle se mélange à d'autres choses qui elles-mêmes sont pures. Et c'est le bar de Qudama qui dit que si jamais la terre se mélange avec d'autres choses pures, mais avec lesquelles on ne fait pas tayammum, d'autres choses, d'autres matières avec lesquelles on ne fait pas tayammum, il dit, on regarde, c'est quoi qui l'emporte. S'il y a plus de terre que cette matière, on fait tayammum avec. Mais si jamais c'est d'autres matières qui l'emporte et que la terre est en minorité, on ne fait pas tayammum avec. Ça dépend en fait de la quantité. Tu le vois à vue d'œil par exemple, tu constates et tu compares. Après, si tu as d'autres masaïl attachés à ce sujet. D'abord, dit Mas'ala, yishtarat fit turab an yakuna tahira. Qu'il est conditionné que cette terre soit pure. Et cela va de soi. C'est quoi la preuve? Qulhu ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba. D'accord? Faites vos ablutions sèches à partir d'un sol pur. Pur. Donc c'est certain que, et à la base, tu ne vas pas te purifier quelque chose qui est impur. Également. Pas mal. Après il dit, Haml al-Turab fi safar. Le fait d'emporter avec toi de la terre en voyage. Il parle, c'est une part de Shir al-Islam qui dit que cela n'est ni recommandé. Attends, il a dit que cela n'est pas recommandé de prendre de la terre avec toi. Et c'était une parole d'Ibn Rajab dans Fath al-Bari que certains ont la main voient que c'est moustahab d'apporter de la terre, d'apporter de la terre avec toi. Tout comme il est moustahab d'apporter de l'eau avec toi. Et ils voient que ceux qui blâment cela, leur parole est une bid'a. Pour finir, Cheikh Ibn Hizam, il dit, en disant Allahu A'lam, mais cela n'est ni recommandé, cela n'est pas recommandé d'emporter de la terre avec soi en voyage. Mais si jamais ici qu'il est passé dans un lieu où il n'y aura pas de terre, ni eau, qu'il ne trouvera rien pour faire l'ilodou tayammum, alors là, abaisse qu'il en apporte, s'il le sait. Il va faire un parcours sur lequel il ne trouvera ni d'eau, ni de terre pour faire tayammum, alors la base. Sinon, la base, c'est pas moustahab. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ton voyage, il prenait pas la terre avec lui. Après, il dit Mas'ala. Tartib, arda et tayammum. L'ordre des membres, l'ordre du tayammum. Dans quel ordre tu le fais, tayammum? Donc là, en premier, apporter le port de Cheikh Yahya al-Hajouri dans son livre, Arkam et tayammum, qui dit que le meilleur, ce qui commence par s'essuyer le visage et ensuite les deux mains. D'accord ? D'abord le visage, après le demain. Et que le contraire est permis également. Comme on l'a vu dans les deux hadiths, dans les deux versions. La première version, il dit quoi ? Il a commencé par son visage et ses mains, et dans l'autre version, ses mains et son visage. Et Nawawi, lui, il voit qu'il est obligatoire de faire l'ordre. De faire dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par les mains et ensuite le visage à Fouen et ensuite les mains. Et la parole la plus sûre, c'est que cela n'est pas obligatoire, comme l'éprouvent les versions dans le hadith, cité de Ammar ibn Yasir. Il n'a pas cité sur quoi il se base le Nawawi. Il n'a pas dit. Après, Shayahel expliquait pourquoi il fait devancer le visage et les mains à l'autre ordre qui est des mains le visage. Pourquoi ? Il dit que cela est préférable. En premier, car la version rapportée où le visage et les mains, c'était le visage et les mains, elle est plus forte que l'autre. D'une part. La riwaya, dans les hadiths de Yasir, celle qui est mise en premier, où c'est son visage d'abord, ensuite ses mains, elle est plus forte que l'autre. Et la deuxième chose, c'est que ça, c'est la parole du Coran. Qala ta'ala, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Essuyez-en vos visages ainsi que vos mains. Donc dans le Coran, il a commencé par le visage, puis les mains. Et il a pris comme règle le hadith qu'on a pris de Jabir, le muslim, dans Sifat al-Hajj, qu'on a pris dans le wudu. Abda'u bima bada'a Allahu bihi. Je commence par quoi Allah a commencé. Rappel, on a pris le hadith. Donc voilà l'avis de Cheikh Yahya et celui que Cheikh Nizam également a choisi, pour lequel il opte. Après il dit, Mas'ala, Iza, Adimat Turab wal Ma, s'il n'y a ni eau ni Turab, comment faire ? Tu n'as ni eau ni terre. Des savants comme Shafi'i et Ahmed, une version de Malik, et d'autres voient que il fait salat comme il peut. Et il n'a pas recommencé, s'il trouve, par la suite. Il n'a ni eau, ni turab, et qu'il n'a pas l'eau, même qu'il est en janaba, il fait la salat comme il peut. Et que si jamais par la suite il trouve, il n'a pas recommencé. Et Abu Hanifa, et Thawri, et l'Auza'i, et c'est également une parole de Shafi'i, qui dit qu'il ne fait pas salat tant qu'il ne trouve pas l'un des deux. Ensuite, il fait salat. Et il fut rapporté de Malik, soi-disant qu'il aurait dit qu'il ne fait ni salat, ni le rattrape, car il ne peut pas être en état de purification. Donc la salat n'est pas obligatoire. Cependant, Ibn Abd al-Barr, il a blâmé cette parole. Il dit que cette parole lui rapportée de Malik, elle est à rejeter. Genre que Malik n'a pas dit cela. Tamam. A dit Riwaya Munkara. Tayeb. Et c'est quoi la parole la plus juste que Shiri a choisie? C'est la première. Qui fait salat comme il peut. Et c'est quoi la preuve? C'est le hadith de, rapporté par Aïcha, qu'on a allé, parce qu'elle avait emprunté à Asma un collier et qu'elle avait perdu ensuite alors qu'elle était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait un homme pour chercher son collier et la salat elle est arrivée, il n'y avait pas d'eau, donc ils ont fait quoi? Ils ont fait salat sans faire l'eau, tamam. Et après au matin ils ont cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le verset de Tayammum est descendu, donc ils n'ont pas recommencé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas blâmés pour ce qu'ils ont fait. Voilà, cela démontre, tu fais, ça revient, tekolomastatortum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Également, le calame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, mamartukum bihi, fatu minhu, mastatortum. Ce que je vous ai ordonné, faites comme vous pouvez. Comme vous pouvez. Un malade de la délaisser sa tête totalement, ça, c'est pas un avis qui est correct. C'est également l'avis choisi par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Othaymin. Après dit Masala, Mashlou'iyat al-Nafr wal-Nafd. Le fait de souffler dans les mains ou de retirer de la terre. Il s'entend par des beaucoup d'âmes qu'il dit que s'il y a beaucoup de terre sur ses mains, il n'est pas pour lui, il y a un nid qui n'est pas détestable, qui souffle dessus. Et l'imam Ahmad a dit cela, qu'il le fasse ou pas, ça ne le nuit en rien. Qu'il souffle sur ses mains ou pas, cela ne le nuit en rien. Donc il peut le faire, c'est permis. Et les deux, qu'il soit le fait de souffler ou de frotter les mains pour enlever un peu de la terre, cela a été vu, pour, comme on dit, comme on vient de le dire là, pour mettre de la terre. C'est tout. Et c'est quoi les preuves qui démontrent qu'on peut le faire? Le hadith qu'on a pris de Ammar. D'accord? Qu'il a soufflé sur ses mains pour enlever un peu de la terre. Et il fut rapporté authentiquement que Ibn Omar, lui, faisait tayammum, ni ne retirer, ni ne souffler sur ses mains. Comme c'était, il faisait son tayammum. Et ça, ça faut me faire à lui. Tu peux le faire, c'est pas interdit. Tu peux le faire. Mais celui qui veut souffler, il peut le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc c'est une chose qui permise. Après Dayama Mas'ala, il dit At-takhlilu bina asabir al-kaffayn fi tayammum. Le fait de frotter entre les doigts lors du tayammum. Il fut rapporté de certains savants qui l'ont rendu obligatoire. Quoi qu'il en soit, Cheikh Al-Othaymin, il dit que c'est une chose qui est discutable. Car dans les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme celui de Omar, il n'a pas dit qu'il ait fait le tahlil, qu'il ait frotté entre ses doigts. Eux, ils ont pris quoi comme preuve pour dire cela? Asbir el wudu, le hadith qu'on a pris. Wa khalil bin asabir, wa balif le sinchaq. C'est-à-dire, fais bien le wudu, frotte entre les doigts, et exagère dans le sinchaq, le fait d'aspirer l'eau. Et ça, c'est dans quoi ça? L'ozo avec de l'eau. Donc c'est autre chose. C'est une autre situation. Alors dans les tayammum, les ablutions sèches, c'est avec de la terre. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas de sinchak. Il n'y a pas de sinchak avec le tayammum. C'est juste frotter le visage et les deux mains. Donc il n'y a pas besoin de le faire. Comme le Nabi Salem, il n'a même qu'un akfik et akol biyadek akaza. Il a frappé le sol avec ses mains. Il a frotté la gauche sur la droite. D'accord, ses deux mains, puis son visage. Il n'a pas frotté entre ses doigts. Donc ce n'est pas une chose qui a été venue, ce n'est pas une chose qui est un dalil, d'accord, pour dire que cela légiférait de faire le tahlil entre les doigts pour le tayammum. Et pareillement, il n'a pas été dit que la terre doit toucher toutes les parties. Ce qui a rapporté, c'est que il a frappé le sol, il a frotté ses mains l'une vers l'autre, puis son visage. Ou le contraire, son visage, puis ses mains. Maintenant, une partie, par exemple, ton visage n'a pas été touché par la terre. Là, c'est le masala qu'il a évoqué, mais je ne l'ai pas cité parce qu'elle est un peu longue. Masalan, mayador. Il n'est pas conditionné que tu mets de la terre sur toute partie de ton visage, comme tu ferais avec de l'eau, lors de l'eau. Tu frottes ton visage. Du moins, à fois, tu es sur ton visage. Il se peut que l'endroit, la terre n'a pas touché, mayador. Ça ne nuit pas, Inch'Allah. À partir du moment où tu as essuyé ton visage avec ta main, avec la terre, Alhamdulillah, sallam maqsoud. Tu as fait ce que tu avais à faire, comme dans le hadith, comme cela s'est venu. Azaou. Azaou wa dars al-youm. Tu as fait un mutahou? Le tayammum, c'est facile. C'est très facile à faire. Tu frappes tes mains par terre. Et tu n'as pas besoin de frotter par terre. Tu frappes tes mains au sol. Si tu as trop de terre sur les mains, par exemple, tu rends le souffle dedans pour en enlever un petit peu. Tu frottes ton visage en premier, puis tes deux mains, la gauche par la droite, c'est-à-dire le dos de la main et la paume de la main, ensemble. Et le contraire, tu frappes par terre, puis tu frottes tes deux mains ensemble, puis ton visage. Mais la meilleure façon de faire, c'est la première. Car le hadith, c'est la version la plus forte, et également dans le Coran, c'est l'autre qui a été cité dans le Coran. C'est tout le thème. Le fadlillah. Inna hada din yusr. Cette religion est facile. Non. Ma foumada. Fa ilahuna wa alhamdulillahi rabbil alamin.